إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, on a vu dans le cours d'hier certaines questions liées à la prosternation que le Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala a mentionné dans son livre La description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite le Cheikh rahimahullah ta'ala a dit la prolongation de la prosternation, c'est-à-dire qu'il est recommandé pour le prieur de prolonger sa prosternation. Il dit rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait à ce que la durée de sa prosternation soit aussi longue que celle de l'inclination. Donc comme on l'a vu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, il faisait en sorte que son inclination, la position debout après l'inclination, les prosternations et l'assise entre les deux prosternations soient toutes de durée approximativement égale. Et ce, de façon proportionnelle au temps qu'il était resté debout à réciter le Coran. Ensuite il dit rahimahullah, parfois il a prolongé la prosternation de manière exagérée à cause d'un empêchement. Comme l'a rapporté un des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vint à nous à l'heure de l'une des deux prières de l'après-midi, al-dhuhr ou al-asr, portant Hassan ou Hussein, donc un de ses petits-fils. Il s'avança et posa l'enfant à côté de son pied droit. On voit à travers cela, comme on l'a déjà mentionné dans un cours précédent, la permission d'emmener un enfant en bas âge à la mosquée. Puis il fit le takbir et commença la prière. Il accomplit en pleine prière une longue prosternation. Il, c'est-à-dire le compagnon, radiyallahu ta'ala anhu, a dit « J'ai levé la tête. » C'est-à-dire tellement que la prosternation était longue, il s'est demandé ce qu'il se passait. Alors il a levé sa tête. « J'étais le seul à le faire parmi tous les gens présents. Et je vis l'enfant sur le dos du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était en prosternation. Je suis alors retourné en prosternation. » Donc on voit à travers cela la permission pour celui qui est prosterné de lever un de ses membres en cas de besoin. On a vu dans le cours d'hier qu'il est obligatoire que la prosternation ait lieu sur sept membres. Le front et le nez, les deux mains, les deux genoux et les extrémités des deux pieds. Ceci est obligatoire, sinon la prosternation n'est pas valide. Toutefois, s'il y a un besoin à lever un de ses membres, au cours de la prosternation, non pas tout le long de la prosternation, mais si, au cours de la prosternation, il y a un besoin semblable à ce qui est mentionné dans ce hadith, ou autre, alors il n'y a pas de mal à ce que le prieur lève un de ses membres le temps de ce besoin, puis le repose sur le sol par la suite. L'essentiel est qu'il soit resté suffisamment de temps avec ses sept membres prosternés. Et comme on a dit, le temps minimum, c'est celui nécessaire à prononcer la formule de rappel obligatoire qui est en ce qui concerne la prosternation « Subhana Rabbi al-A'la ». Donc ici, il a levé la tête, pourquoi? Car il s'est inquiété. Il voyait que la prosternation était beaucoup plus longue qu'habituellement. Il a donc levé la tête pour voir ce qu'il se passait. On ne sait jamais, peut-être qu'il y avait eu un incident. Donc il a regardé, et lorsqu'il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était prosterné et que l'enfant était sur son dos, alors il est retourné en prosternation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas blâmé pour son acte. On a vu dans un hadith précédent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voyait ses compagnons derrière lui durant la prière. Donc il n'a pas blâmé son acte, cela nous prouve qu'il est permis de lever un membre en cas de besoin durant la prosternation. Par exemple, si tu as un de tes membres que tu démanges, alors il t'est permis de lever un léger instant ton pied que tu vas frotter à l'autre afin de faire partir cette sensation que tu ressens et pouvoir mieux te concentrer dans ta prière. Ensuite, il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam acheva la prière, les gens lui dirent, « Ô prophète d'Allah, tu t'es prosterné durant ta prière longtemps à tel point que nous avons cru qu'il s'était passé quelque chose. » C'est-à-dire, ils ont pensé qu'il y avait eu un incident, comme on l'a dit. Peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait eu un malaise ou autre, donc ils se sont inquiétés. « Nous avons cru qu'il s'était passé quelque chose ou que tu recevais la révélation. » Il répondit sallallahu alayhi wa sallam, « Il ne s'est rien passé de ce que vous dites. Mais mon fils, » donc il a mis petit entre parenthèses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « mon fils ». Et ceci, cela prouve qu'il est permis à l'homme de considérer ses petits-enfants comme ses enfants, de dire cela est mon fils, même si cela est son petit-fils, car ils font partie de sa descendance. Il dit, mais mon fils est monté sur mon dos. Alors je n'ai pas voulu le hâter, et j'ai attendu jusqu'à ce qu'il ait fini de faire ce dont il avait envie. Donc on voit à travers ce hadith la bienveillance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, envers les enfants ainsi que sa clémence. Aujourd'hui, imaginez-vous un imam de mosquée qui vient avec son enfant et l'enfant monte sur son dos durant la prière. Quelle serait sa réaction? Il se peut qu'il se fasse sévèrement disputer après la prière. Et même les fidèles seront grandement dérangés par cela. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été indulgent envers lui. Il l'a laissé sur son dos. Il a attendu qu'il termine, qu'il descende de lui-même. Et il est resté durant ce temps en prosternation. Donc on voit à travers cela que s'il y a un besoin à rester prosterné, il a alors permis de prolonger la prosternation. Et pendant ce temps, tu t'occupes par les formules de rappel légiférées, comme on l'a vu dans le chapitre précédent, ou alors par des invocations, car la prosternation est le moment le plus propice pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Et lorsqu'il se prosterna, Al-Hassan et Al-Hussein, radiyallahu ta'ala anhuma, lui sautèrent sur le dos. Chaque fois que les gens voulaient les en empêcher, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur faisait signe de les laisser faire. Puis une fois la prière accomplie, il les fit asseoir dans son giron et il dit, celui qui m'aime, aime ces deux-là. Il serait mieux de dire, celui qui m'aime, alors qu'il aime ces deux-là. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné ceux qu'il aimait d'aimer ses petits-enfants, Al-Hassan et Al-Hussein, radiyallahu ta'ala anhumah. Donc on voit à travers ce hadith, comme on l'a dit, la permission de prolonger la prosternation en cas de besoin. On voit ici que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ses petits-enfants, ils lui sautaient sur le dos durant la prière, et lui, il restait prosterné et les laissait faire. On voit également la permission de faire un signe compréhensible durant la prière si besoin. Et cela n'est pas considéré comme une parole qui est interdite durant la prière. En effet, lorsque tu pries, il n'est pas permis de parler. Mais s'il y a un besoin à ce que tu te fasses comprendre par un signe de la main ou un signe de la tête pour dire oui ou non, par exemple, alors, si le besoin est présent, il n'y a pas de mal, incha'Allah ta'ala, comme le prouve ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait signe aux gens de laisser faire ses petits-enfants. Et il y a également dans ce hadith le mérite de ses deux nobles compagnons, Al-Hassan et Al-Hussein, radiyallahu ta'ala anhumah, qui sont les petits-enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les enfants de Fatima et de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhum, ajma'in. Ensuite, le cheikh, rahimahullahu ta'ala, a dit, les mérites de la prosternation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, il n'y aura pas dans ma communauté une personne sans que je ne la reconnaisse le jour de la résurrection. Des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, demandèrent, et comment les reconnaîtras-tu au prophète d'Allah parmi les innombrables créatures? En effet, au jour de la résurrection, toutes les créatures seront rassemblées, des premiers jusqu'au dernier, de Adam alayhi salam jusqu'au dernier des hommes. L'ensemble des créatures seront présentes. C'est donc pour cela que les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ils se sont étonnés et ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais comment feras-tu pour les reconnaître? Alors il répondit sallallahu alayhi wa sallam, vois-tu si tu entres dans une bergerie où tu vas trouver d'innombrables chevaux noirs. Donc tout d'abord, il serait plus juste ici de mettre écurie à la place de bergerie, car c'est dans une écurie que l'on trouve les chevaux, alors que la bergerie, c'est plutôt le bâtiment où se trouvent les ovins. Il lui a donc dit, vois-tu si tu entres dans une écurie où tu vas trouver d'innombrables chevaux noirs, c'est-à-dire d'une seule couleur. Et parmi eux, il y a un cheval balzant. C'est-à-dire un cheval qui a des taches blanches au-dessus du sabot sur les membres inférieurs et qui a une tache blanche au front, qui a le visage blanc. Ne le reconnaîtrais-tu pas? Il répondit si. Il dit alors, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens de ma communauté seront ce jour-là avec des taches blanches sur le front grâce aux prosternations et ils seront balzants grâce aux ablutions. C'est-à-dire qu'ils auront des traces sur le visage en raison de leur prosternation et des traces sur les membres inférieurs, sur les membres des ablutions. Donc tout d'abord, qu'est-ce qui est visé par ces taches sur le visage? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, Dans sourate al-Fatih, décrivant les croyants, Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Donc, quelle est cette trace? Ce qui est visé par cela, comme l'ont mentionné les gens de science, c'est une lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala place sur le visage du croyant. Et il a été dit que c'est une lumière qu'il place sur les membres de sa prosternation, c'est-à-dire les sept membres sur lesquels le croyant se prosterne, c'est-à-dire le front et le nez, les deux mains, les deux genoux et les extrémités des deux pieds. C'est cela qui est visé par les traces de prosternation. Et ce n'est pas ce que pensent nombre de personnes parmi les gens de la masse, que les traces de prosternation sont la tache qui apparaît sur le front ou alors sur les autres membres de la prosternation. Ce n'est pas cela qui est visé par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui est visé, comme l'ont dit les gens de science, c'est une lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala place sur le visage du croyant, celui qui est assidu à sa prière. Cette prière, elle va marquer son visage par quoi? Elle va marquer son visage par l'humilité et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ceci, ce sont des signes de l'adoration. Donc les traces de la prosternation, ce n'est pas une condition qu'elle laisse des traces réellement sur le corps. Il y a certaines personnes qui pensent que la marque qui apparaît sur le front, c'est un signe de piété de la personne. Et que c'est cela qui est visé dans ce hadith ou dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'on a mentionné. Or, si tu réfléchis concernant cette trace, il t'apparaît clairement que cela n'est qu'une réaction de la peau qui peut varier selon les personnes. Et cela n'est pas lié à la piété. Et cela est encore moins, comme on l'entend aujourd'hui, dans certains médias, Wallah al-Musta'an, un signe de radicalisation de la personne. C'est une simple réaction de sa peau. Ni plus, ni moins. Mais ce qui est visé par les traces de prosternation dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que dans le hadith que l'on vient de lire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme on a dit, c'est une lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala placera sur les membres sur lesquels le serviteur se prosterne au jour de la résurrection. Et par cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam distinguera les membres de sa communauté. On trouve aussi dans le tafsir de ce verset plusieurs paroles des salaf. Et il a été dit que quelqu'un a interrogé Mujahid en lui disant qu'il pensait que cela n'était que la trace qui apparaît sur le front de la personne. Alors, Mujahid rahimahullah ta'ala lui répondit, il se peut que tu trouves cette trace sur le front de quelqu'un qui a le cœur plus dur que celui de Pharaon. C'est-à-dire qu'il est possible que cette trace elle apparaisse même sur le front d'une personne mécréante, car cela n'est qu'une réaction de la peau ni plus ni moins. Et As-Suddi rahimahullah ta'ala a mentionné que la prière embellit le visage de la personne. Et certains salaf rahimahumullah ta'ala ont dit que celui qui multiplie la prière de nuit, alors son visage sera embelli la journée. Et tout cela a été mentionné dans le tafsir d'Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit, et il disait, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'Allah voudra accorder sa miséricorde à qui il veut parmi les gens de l'enfer, il ordonnera aux anges d'en faire sortir ceux qui l'adorent, ceux qui adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. Ils les feront alors sortir et ils les reconnaîtront grâce aux traces de prosternation, sachant qu'Allah a interdit au feu d'attaquer les traces de prosternation. Et ils sortiront de l'enfer. Tout fils d'Adam sera brûlé par le feu, à part les emplacements des prosternations. Donc ici, il serait plus juste de mettre tout l'enfant d'Adam, c'est-à-dire tout son corps. Tout l'enfant d'Adam sera brûlé par le feu. Celui qui entre au feu, tout son corps sera brûlé par le feu, à part les emplacements des prosternations. Donc on voit à travers cela le mérite immense de la prosternation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit au feu de brûler les membres qui se prosternent. Donc ceci est un mérite immense. On voit donc l'importance pour le musulman d'être assidu à ses prières et de multiplier ses prosternations. Et il y a également dans ce hadith une réfutation du groupe des Khawarij, qui considère que le musulman, s'il commet un grand péché, alors il sort de l'islam et sera éternellement en enfer. On voit dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'il y aura des gens en enfer qui priaient, qui accomplissaient la prière. Il se peut qu'ils y soient entrés à cause de certains grands péchés qu'ils ont commis. Et Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera de les faire sortir du feu et ils ne resteront pas éternellement en enfer. Donc ceci est une parmi les nombreuses preuves de la fausseté de la voie des Khawarij. Ensuite, il dit, rahimahullah, le fait de se prosterner à même le sol est sur une natte. Donc, dans ce chapitre, le cheikh, rahimahullah ta'ala, nous démontre la légitimité de se prosterner à même le sol, ainsi que la légitimité de se prosterner sur une natte, sur un tapis ou autre. Il dit, rahimahullah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se prosternait souvent à même le sol. Il dit en note de bas de page, rahimahullah, en effet, la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'avait pas de tapis, c'est-à-dire que le sol n'était pas couvert de nattes ou autre. Et ceci est prouvé par de très nombreux hadiths, et entre autres, le hadith qui suit celui-ci, et le hadith d'Abu Saïd qui suivra. Donc bien souvent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosternait à même le sol. Et ceci nous prouve qu'il n'est pas obligatoire pour le prieur d'avoir un tapis pour prier, mais qu'il peut se prosterner à même le sol, que ce soit en plein air, sur la terre, dans l'herbe ou autre, ou alors dans une maison, sur le carrelage ou autre. Et ce n'est pas une condition de la prière d'avoir un tapis. Car il y a certaines personnes qui s'imposent cela, et qui pensent que s'il n'a pas de tapis, il ne peut pas prier. Il se peut même que certaines personnes retardent la prière et la font sortir de leur temps, pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de tapis. Il n'y a pas de doute que ceci est une grave erreur. Le tapis n'est pas une condition de la prière. Par contre, il fait partie des conditions de la prière de les accomplir en leur temps. Donc, dès que le temps de la prière vient, la personne prie, peu importe qu'il ait un tapis ou non. À partir du moment où le sol est pur, il lui est permis de prier et de se prosterner sur ce sol. Ensuite, il dit, rahimahullah, ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, priaient avec lui dans les périodes de chaleur intense. Si l'un d'entre eux ne pouvait pas poser son front à terre, il étalait son habit et se prosternait dessus. Donc on voit à travers ce hadith, la permission pour le prieur, en cas de besoin, si le sol est trop chaud ou si le sol est trop froid, de tirer son vêtement afin de poser son visage dessus. Il se peut parfois, dans certains endroits, que lorsque tu te prosternes, à cause de la chaleur, tu n'arrives pas à poser ton front. Alors dans ce cas-là, il est permis que tu tires une partie de ton vêtement, par exemple que tu remontes un morceau de ta veste. Ou alors, si tu as une rutra, tu tires ta rutra devant ton visage, afin de pouvoir bien stabiliser ton visage, c'est-à-dire ton front et ton nez, au sol. Et certains parmi les gens de science ont dit que ce hadith nous prouve que la base est qu'il ne faut pas le faire. Car il l'a précisé ici pour nous montrer que cela est permis en cas de besoin. Mais la base est que la personne ne met pas son vêtement entre lui et le sol lorsqu'il se prosterne. Ensuite, il dit, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a disait « Toute la terre m'a été rendue à moi et ma communauté un moyen de me purifier. » C'est-à-dire par le tayammum, en cas de besoin, s'il n'y a pas d'eau. Donc toute la terre m'a été rendue à moi et ma communauté un moyen de me purifier et un lieu de prière. Cela nous prouve, comme on vient de le dire, que quel que soit l'endroit où la personne se trouve, si l'heure de la prière est entrée, alors il lui est légiféré de prier. À partir du moment où il n'y a pas de nuisance pour toi, et que l'endroit est pur, alors il est légiféré pour toi de prier. Et ceci fait partie des spécificités de la communauté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, sallallahu alayhi wa sallam, « Donc où que se trouve un membre de ma communauté à l'heure de la prière, il trouvera sur place un lieu de prière et un moyen de se purifier. » Ce nous prouve, comme on a dit, qu'il n'est pas légiféré de s'imposer un endroit particulier pour prier. Mais au contraire, la sunna, c'est que tu pries à l'endroit où tu te trouves. Lorsque vient le moment de prier, si tu es dehors sur la route et qu'il y a un endroit où tu peux t'arrêter pour prier, alors il est légiféré pour toi de t'arrêter et de prier. Il n'y a pas de gêne en cela. Ce n'est pas une condition que tu t'imposes de te rendre dans un musalla ou dans une mosquée s'ils sont loin de toi. Si tu ne fais pas partie de ceux pour qui la prière en commun est obligatoire si tu es sur la route ou dans un endroit très éloigné de la mosquée. Ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, les peuples qui m'ont précédé trouvaient cela très pénible, car ils ne priaient que dans leurs églises et leurs synagogues. Donc, en ce qui concerne la traduction ici, vous pouvez mettre entre parenthèses, trouver cela très pénible. Mais il m'apparaît que ce qui est juste est de dire, les peuples qui m'ont précédé interdisaient cela, c'est-à-dire qu'ils considéraient leur prière en dehors des églises et des synagogues, comme étant invalides. Donc on dira, les peuples qui m'ont précédé interdisaient cela, car ils ne priaient que dans leurs églises et leurs synagogues. Alors que la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été facilitée, et Allah subhanahu wa ta'ala leur a légiféré de prier quel que soit l'endroit où il se trouve lorsque vient le moment de prière. À partir du moment, comme on a dit, où l'endroit est pur, que tu peux te prosterner, qu'il n'y a pas de nuisance pour toi, alors tu peux prier. Ensuite, il dit, parfois il se prosternait même dans la boue et l'eau, comme ce fut le cas durant la prière de l'aube de la nuit du 21e jour du mois de Ramadan, alors qu'il avait plu et que l'eau avait transpercé le toit de la mosquée, construit en queue de feuilles de palmier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosterna alors dans l'eau et la boue. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu a dit, j'ai vu de mes propres yeux le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec des traces d'eau et de boue sur son front et sur son nez. Donc ce hadith, il nous prouve la permission en cas de besoin de se prosterner dans l'eau et la boue. Par exemple, si tu as commencé à prier alors que tu es dehors et qu'il se met à pleuvoir pendant la prière, il se peut qu'il y ait de la terre devant toi qui devienne boueuse. Il est permis pour toi de continuer de prier. Il n'y a pas de gêne en cela. La prière est valide, comme le démontre le texte de ce hadith. Et certains parmi les gens de science ont dit que cela ne veut pas dire que tu vas choisir cet endroit pour prier. Car ce qu'il apparaît du hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé la prière, puis qu'il s'est mis à pleuvoir, et que l'eau a coulé, et que la terre est devenue boueuse. Il a donc continué de prier. Mais si tu as le choix, et que tu peux prier dans un autre endroit, alors il n'y a pas de doute que tu choisiras un autre lieu pour prier. Ensuite, il dit, rahimahullah, il priait parfois sur une khumra et sur une natte. Donc, ce qui est visé par le khumra, comme on le voit dans le note de bas de page, c'est une étendue, une sorte de petit tapis sur laquelle l'homme pose son front pendant la prosternation, qu'elle soit faite de natte ou de tissu fait de feuilles de palmier ou de dattier ou toute autre plante. Donc, c'est une sorte de petit tapis qui ne recouvre que l'endroit sur lequel la personne va se prosterner. Quant à la natte, c'est un grand tapis. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui arrivait de prier sur l'un ou sur l'autre, de temps à autre. Et une fois, il a prié sur une natte, et son front s'est noirci du fait qu'il est resté longuement en contact avec la natte. Vous pouvez mettre la fin du hadith entre parenthèses. Il m'apparaît que ce qui est correct est de dire, une fois il a prié sur une natte qui a noirci du fait qu'il est resté longuement dessus. C'est pas le front qui a noirci, mais c'est la natte qui a noirci. Wallahu a'lam. Donc on voit à travers ces différents hadiths qu'il est permis aux musulmans de prier à même le sol ou alors de prier sur un tapis ou autre. Et ce n'est pas une condition ni de prier sur un tapis ni de prier à même le sol, mais tout cela est légiféré comme nous le démontrent les hadiths que l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a cités ici et que l'on vient de lire. On va donc s'arrêter là pour ce soir, inshallah ta'ala. On continuera la lecture lors de notre cours de demain. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا